La Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Bonjour, frère Junior. Oui, qui sont ceux qui sont avec le frère Paul Serge Nguessa? Et à qui là? Et à la soeur Espérance? Oui. Et à, je crois que c'est madame Syriac là-bas. Non. C'est une soeur, c'est madame Doku. Madame Doku. Bonjour. Madame Doku est timide. De l'autre côté d'Abobo, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Mais vous êtes nombreux là. Quels sont ceux qui sont derrière là? Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour, bonjour. Voilà. Voilà le frère. Je vois le frère Yao. Je vois la soeur. Je crois que c'est la soeur. Oui. Où est le frère Olivier? Je vois le frère Olivier. Tous les frères. Je crois que chacun. Venez, venez, venez vers moi. Venez vers moi. Je ne sais pas qui. Vous êtes vraiment nombreux. Venez vers moi. Je vous aime. Venez vers moi. Venez, venez, on va passer de bons moments maintenant. Bonjour, bonjour. Comment ça va à Bobo aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bon, j'espère que le lieu est bien calme pour qu'on puisse travailler, n'est-ce pas? Voilà. Oui, le frère Achille. Le frère Achille, bonjour. Bonjour, bonjour le président. Bonjour. Comment tu vas? J'ai lu tes questions et tes préoccupations. La sœur Audrey, viens me saluer. Viens me saluer, la sœur Audrey. Comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Mes chers sœurs, que Dieu vous bénisse. Comment va ton mari? Voilà, il faudra me le saluer, d'accord? Madame Eden avec Chabda, comment elle va la petite Chabda? Elle grandit bien, n'est-ce pas? C'est comment mon frère? Ça va? Toi, viens, viens, viens. Mon frère, viens. Oui, oui, oui, viens, viens, viens, viens. Ah oui. C'est comment? Je crois que c'est avec toi, il avait causé, n'est-ce pas? Quand j'étais en Côte d'Ivoire, il avait touché ton ventre comme ça, là, la poitrine, là, c'est ça, non? C'est comment tu vas, là? Comment tu vas? Tu n'as plus de mal depuis là. Maintenant c'est parti, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. Où le frère Kwame? Kwame n'est pas là. Madoché, où est le frère Madoché? Ça va mon frère? Comment tu vas? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Fred, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Oui, le frère Diomandé et son épouse. Comment tu vas? Ma soeur Angèle là n'est pas là. Je t'ai vu. Viens me saluer. Comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Sois tranquille, d'accord? La connexion. Du côté de Frère Nguessan, je crois qu'il y a un petit problème de connexion du côté d'Abobo. Du côté de Frère Nguessan, vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. Thank you, sir. Voilà, parce que les connexions, vous remarquez que les connexions là, ça, il y a un petit souci. Effectivement, oui. C'est ok. Ce n'est pas la même connexion que vous utilisez. Non, c'est la même connexion que nous utilisons. Donc, on utilise la MVC. Oui. Maintenant, là, ça s'est coupé. Ils vont encore se reconnecter. Alors, donc, je suis à votre service ce dimanche. J'espère que vous avez vu ce que j'ai écrit sur le forum en off là. Par rapport à toutes ces interférences là. Oui. Parce que j'ai beaucoup de personnes, beaucoup de groupes avec qui je travaille. Donc quand on passe le temps à faire cela, ça empiète sur le territoire sur le temps des Allemands. Et d'accord. Voilà, donc je suis là aujourd'hui, je suis en forme là pour vous servir. D'accord. Oui. Donc le temps que les autres, ceux qui se réunissent à Bobo puissent se connecter là, je crois que vous avez des questions. Comment vous allez depuis? Oui, ça va. Je suis à votre service alors. D'accord. Moi, j'ai une question. D'accord, ok. Allô? C'est terminé, bro. Oui. Voilà, bon, en fait, je ne voulais plus que les autres se connectent. C'est un problème qu'on a nous ici. Oui. Il faut le dire. Voilà. Il y a des heures qui se passent. Oui. Où vous constatez bien qu'il y a d'autres qui se trouvent à Bobo et qu'il y a d'autres qui sont ici. Oui. Là, vous avez lancé le jeûne. Moi, j'ai pris le soin, après avoir écouté l'enseignement, de le donner aux autres. Il dit, ah, il y a un jeune qui est député. Voilà ce que le frère dit. Oui. Donc, le frère Yahoo Jules avait dit qu'on devait faire un jeûne de 2 semaines. Oui. Ok, ça va le problème. Maintenant, je vais demander à 2 reprises, à 2 séances, à 2 dimanches, est-ce que tu en as parlé au frère? Oui. Parce que nous savons que, régulièrement, vous donnez aussi des jeûnes. Oui. Afin. Donc, ne pas qu'il y ait d'entêtement, je vais poser la question. Est-ce que tu en as parlé au frère? Bon, il a dit, il y a un problème de connexion, on n'a pas pu lui en parler, tout ça. Et voilà, aujourd'hui, ils ont fini de faire leur jeûne de 2 semaines. Vous voyez, ils sont en train de boire de l'eau. Alors que nous sommes encore dans le jeûne que vous avez dit. Donc, du coup, il y a des ordres. Bon, on en a même parlé avec le frère Yao. Le frère en a parlé avec le frère Yao. On a dit, mais tu vois, il y a des ordres qui se passent. Ce n'est pas normal. Oui. Quand l'esprit donne, parle. Ça va être une. Tu peux avoir deux voix comme ça. Oui. Donc, eux, ils ont fini leur jeûne sur l'autre côté. Ils sont en train de rompre. Alors que nous, on est bien. Voilà. Ils ont fini hier. Et nous, on se retrouve aussi. On continue les jeunes. On nous a invités à Guatemala. Ils m'ont dit non. Et nous, on va faire notre jeûne. Nous ne pouvons pas aller. Oui. Donc, ça fait partie d'être quelques. Les chrétiens. Dans le match de la rencontre aujourd'hui, comme là, député. Oui. Oui, en fait, dans l'église, c'est fatalement ce qui arrive souvent, mais ce n'est pas toujours nécessaire que ça arrive ainsi. Mais au fur et à mesure, quand ces problèmes-là arrivent, ça permet que vous commencez à vous comprendre au fur et à mesure. Donc, les problèmes qui arrivent au milieu de l'église ne doivent pas être des sujets de discorde ou de séparation, mais des sujets de connaître davantage. C'est un peu comme quand un homme avec sa femme, un homme avec sa femme ont souvent des interactions, des problèmes. Mais ça ne doit pas causer des divisions. Ces problèmes-là, ça permet de se connaître les uns les autres. Concernant le problème des jeunes qu'il y a, s'ils ont eu pris de la liberté de suivre la direction selon qu'ils ont reçu par rapport aux jeunes de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Si vous avez pris la liberté de suivre l'autre, cette autre jeune, ça ne cause pas de problème, d'accord? Mais gardez seulement vous à l'esprit que vous êtes un dans un seul corps, mais que chacun fonctionne dans cette liberté-là, que ça ne soit pas un sujet de problème, d'accord? Ça ne doit pas être un problème, ça ne doit pas être un sujet de problème. Et même... Oui, mon frère. Vas-y. En fait, ce même problème parce que là, il y a, comme je l'ai dit, il y a eu deux jeux. Quelle est la disposition qu'on va prendre? Parce que là, on n'a pas pu s'unir pour pouvoir faire un. Il vient encore vous dire, voilà quelque chose qu'on va faire, que le Seigneur dit de faire. Oui. Sur quelle base on va se baser? Et on doit se mettre à coucher pour pouvoir suivre les instructions. À l'issue des jeunes que vous avez continué, parce que nous sommes également à jeunes, moi je n'ai pas fini le 15. Je commence toujours 2 semaines avant, je finis 3 semaines après. Donc ça veut dire que quand vous allez finir le 15, je vais continuer encore 3 semaines. Donc quand vous allez finir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous réunir, on va parler pour harmoniser tout cela, d'accord frère? Donc, il faut d'abord que vous finissiez. Souvenez-vous de Ésaïe chapitre 58. Prenez cela, voyez Ésaïe chapitre 58. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais ils sont nombreux du côté d'Abobo là. Oui, ils sont nombreux, oui. J'espère que la connexion sera bonne pour pouvoir communiquer. J'aurais souhaité qu'ils soient là pour qu'on règle ce problème, c'est justement. Donc, si c'est connecté, là, on va y revenir encore pour que ça soit clair, n'est-ce pas? Okay. Voilà. Ésaïe chapitre 58, à partir de verset 1. À partir de verset 1. Oui. Jusqu'au verset 6. Oui. Allons-y. Ésaïe 58, verset 1. Puis, crie à plein boutier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il n'aurait pas abandonné la loi. Il me demande, il désire l'approche de Dieu. Que nous sert le gêné si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tout le monde. Merci. Frère France Djibé, ferme ton micro. Bienvenue et ferme ton micro. Premier réflexe, ferme le micro. Merci beaucoup. Merci, non, le son n'est pas bon du tout. Le frère France Djibé, tu m'entends? Ferme le micro, ferme le micro. Le frère Diomandé, bonne arrivée encore. Le frère Franck, vous êtes dans la même salle? Tu es dans la même salle que les autres? Ok, oui, le micro est coupé. Voilà, il est de l'autre côté. Parce que si vous êtes dans la même salle, toi, vous et Franck Sidibé, ça ne doit pas être bien parce qu'il y aura l'écho. Il faut qu'il coupe, voilà, il a coupé. Voilà. Bonne arrivée encore à vous, Dabobo. Je crois que votre connexion, ça a été déconnecté tout à l'heure. Oui. Voilà. Vous nous avez pris en cours. Là, le frère Paul est en train de poser la question de la dislocation par rapport aux jeunes. Et je suis en train de dire que le fait que vous avez suivi le jeune et qu'ils ont commencé à suivre suivi le jeune qui est ici, il n'y a pas de problème. Il ne devrait pas avoir de problème. Vous tous dans la salle, vous m'entendez là-bas, Bobo? Voilà. Non, s'il n'y a pas de bruit chez vous, vous pouvez ouvrir le micro. Il faut que quelqu'un soit à côté de votre ordinateur de temps en temps pour ouvrir le micro. Oui, frère Eden, mets bien la caméra pour qu'on puisse bien, on les voit bien là. Voilà. Je crois que c'est bon. Les enfants sont en train de manger là. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, si vous m'entendez bien, le frère Paul posait les problèmes par rapport aux jeûnes et le fait que vous avez suivi le jeûne de 2 semaines alors qu'ils ont reçu le jeûne d'un mois. J'étais en train d'expliquer que, en fait, ce n'est pas un problème. Ça ne doit pas poser problème. D'accord? Et que, enfin, à l'issue de ceci, lorsqu'ils vont finir, donc vous vous réunissez pour qu'on parle, pour qu'on synchronise ces choses-là. D'accord? C'est seulement, je lui ai donc dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes entre vous. Lorsqu'il y a des problèmes, bon appétit à tous ceux qui sont en train de manger. Bon appétit à vous tous. Donc, lorsqu'il y a un problème, il y a des problèmes entre les hommes et les femmes, comme je dis souvent, comme je tente de dire tout à l'heure, le mari et la femme ont souvent des problèmes. Mais les problèmes entre le mari et la femme ne doivent pas les pousser à se séparer. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand l'homme a le problème avec sa femme, même s'ils ont des tensions de souvent, ils vont s'asseoir pour parler, pour arranger le problème. Donc, en réalité, il n'y a pas de problème ici. Et donc là, j'ai demandé qu'ils prennent Ésaïe chapitre 58. Prenez également cela, Ésaïe le chapitre 58. Ésaïe chapitre 58, à partir du verset 1 au verset 6. Donc de l'autre côté là-bas d'Abidjan, on va lire. Suivez donc attentivement. Comme vous êtes à jeûne pour le pays, la prière pour l'ouest de votre pays, l'ouest de votre pays. Et je crois que quand j'étais là-bas, j'avais parlé de... Vous m'entendez? Oui. Donc priez vraiment pour le pays. Ésaïe 58. Oui, verset 1 à verset 6. Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Tu veux connaître mes voies comme une nation qui n'aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne nous vois pas? De mortifier notre âme si tu es mis à point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Voilà. Donc, merci beaucoup, frère. Donc, la Bible déclare, le Seigneur dit là-bas qu'on ne jeûne pas comme le veut ce jour. Il dit qu'on ne jeûne pas comme le veut ce jour. Donc, il y a la façon de jeûner. Comme, ça veut dire, en fait, je prends ce passage-là pour dire, le moment de jeûne, c'est le moment où la voix doit être entendue en haut, par excellence. Ça se pose que c'est le moment de jeûne, c'est le moment qui dégage entre le ciel et la terre la voix pour que nos requêtes soient entendues de façon favorable. Et donc, ça veut dire qu'on doit éviter, et non seulement qu'il y ait des problèmes en milieu chrétien, mais que ces jours-là, particulièrement, qu'il n'y ait pas ces choses-là. La Bible déclare que si on jeûne et on est dans le péché, ça ne servira effectivement à rien. On va mortifier son corps pour rien. C'est pour cela que le moment de jeûne, c'est le moment d'abord de consécration. Le moment où on fait les rétrospections pour savoir si notre cœur est droit devant le Seigneur, si on marche droitement devant le Seigneur. Vous m'entendez bien, vous saisissez ce que je lui dis, n'est-ce pas, vous tous là-bas? Ok, c'est bon. Ça veut dire qu'avant d'entrer dans le jeûne, chaque fois, il faut que chacun examine sa voie pour savoir s'il est dans la voie avec le Seigneur. S'il n'y a pas cela, il faut d'abord se repentir, régler toutes choses. Et la vie des chrétiens, ce n'est pas de vivre dans le péché. Quand on veut jeûner, on arrête le péché, puis on finit le jeûne, on rentre dans le péché. Non, on doit couper avec le péché, se séparer du péché pour que la voie soit entendue en haut. La Bible déclare que c'est un jour qui est agréable à Dieu, le jour où notre voix doit être entendue en haut. Donc, vérifiez que chaque fois désormais, quand vous allez commencer le jeûne en Côte d'Ivoire, que Satan n'entre pas dans votre milieu pour saisir la zizanie comme ça. Vérifiez véritablement que ce soit ainsi, d'accord, mes frères et sœurs. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bon appétit à Bobo et bon appétit dans la parole de Dieu de l'autre côté. Amen. Voilà, donc je suis à votre service. Si vous avez des questions maintenant, prenons du côté à Bobo s'il y a des questions. Si vous avez des questions, oui. Le frère Serge, oui. Voilà. J'ai une question. Proverbe 27. Oui. Verset 14. Oui. Bon, je lis. Permets que les gens du côté à Bobo puissent saisir vraiment ça. Proverbe chapitre 27, verset 14. Oui. Mmh. Oui. D'accord. Il est écrit ici que si l'on bénit son prochain à haute voix le grand matin. Et de grand matin, oui. Cela est envisagé comme une malédiction. Une malédiction. Quel est ton problème, frère? Tu as peur de la malédiction du matin? Non, bien sûr, j'ai peur de la malédiction, frère. J'ai peur de la malédiction. Oui. Ici, c'est comme c'est un bonjour. Un bonjour qui devient, c'est pas une malédiction. Oui. Je sais pas si c'est la personne qui la prononce ou bien la personne qui reçoit le bonjour. Oui. Que cela est une malédiction. En fait, il faut comprendre le contexte dont on est en train de parler. D'accord? Il faut comprendre le contexte dont on est en train de parler. Si tu lis comme ça, et on dit que on dit si l'homme bénit son prochain de grand matin. Oui. C'est un présage de malédiction. Alors, est-ce que chez toi, tu dis bonjour à ta femme le matin? Oui. Et donc, tu la maudis chaque fois alors? C'est cela, je comprends. Voilà, c'est ça qui me fait peur. Non, ce n'est pas comme ça, d'accord. C'est parce que la Bible est en train de dire. Ce n'est pas comme ça, la Bible est en train de dire. La Bible est en train de dire. La Bible veut par là dire que ne vous empressez pas de prononcer les paroles de bénédiction très très tôt parce que vous ne savez pas qu'est-ce que le jour réserve. D'accord. Le jour n'est pas à notre contrôle pour donner les paroles de bénédiction. Ne on va pas se lever très tôt. En fait, l'apôtre Paul va dire d'une certaine façon spirituelle à Timothée de ne pas imposer, de ne pas s'empresser à imposer les mains sur quelqu'un, de ne pas participer au péché d'autrui. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que nécessairement qu'il ne faut pas bénir les gens, puisque si vous lisez la Bible très tôt le matin, c'est une série de bénédictions que vous avez avec vous. Et la Bible déclare dans la bouche du croyant, ce sont les bénédictions qui s'y trouvent. La Bible déclare qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais si elle est quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce, qui bénit, quand ça communique une grâce, ça veut dire c'est les bénédictions. La Bible déclare que bénissez toujours, ne maudissez point, afin que, vous voyez, n'est-ce pas, dont le chrétien doit bénir. Oh, en plus de cela, le chrétien n'est pas assujetti par l'heure, le temps ou n'importe quoi. Exactement. C'est un peuple béni qui est fait pour bénir à tout moment, à toute occasion, à toute occasion favorable ou pas. Donc mon frère Nguessa, n'aie pas peur de bénir ton frère le matin, d'accord? D'accord. Des questions? Ouais, deuxième question. Oui. Oui, Éphésiens 6. Oui, Éphésiens chapitre 6. Verset combien? À partir du verset, je peux dire 13. Oui. Jusqu'au verset 18. Bon, je veux prendre au niveau même où on parle des âmes. Oui. Les âmes spirituelles peuvent dans ce revêtir un chrétien. Oui. Vas-y, mon frère. Voilà. Maintenant, quand nous lisons, d'abord qu'on dit, ayez à vos règles ou ceinture. Bon. Tu vois, il y a le mot vérité et puis il y a le mot ceinture qui sont là. Oui. Donc, je sais que c'est pas la ceinture, je sais pas, c'est pas la ceinture physique pour le corps. Mm. Mais le chrétien doit vivre dans la partie ceinture là. C'est quoi? C'est de façon spirituelle pour l'homme intérieur ou bien qu'est-ce que c'est exactement? Bonne question. Maintenant, très, très, très bonne question. Très bonne question. Le verset 11 dit quoi? Le verset 11. Bon, le verset 11 dit le son n'est pas bon. Si vous m'entendez. Répétez-vous tous les deux. Alors, mon frère, il y a un peu de. La connexion est un peu ralentie chez toi, donc relis encore un peu. D'accord. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. De l'autre côté, vous entendez, n'est-ce pas? Voilà. Vas-y, lis, mon frère. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, arrêtons-nous donc là-bas. Donc, la Bible déclare, la Bible donne l'exhortation qu'on se revêt de toutes les armes de Dieu. On n'a pas dit tout simplement de se revêtir des armes. Alors, on pourrait prendre le couteau, prendre la machette, ainsi de suite. On a dit les armes de Dieu. Maintenant, gardez le doigt là-dessus. Ouvrez 2 Corinthiens chapitre 10. Le frère Yao a maigri, sa joue est finie comme ça là quoi. Soyez animés d'un seul même esprit. Soyez animés d'un seul même esprit, même sentiment. Et vous allez vous voir comment vous allez réunir, le Saint-Esprit va se mouvoir. 2 Corinthiens chapitre 10. Versets 4 et 5, qu'est-ce que ça dit? Je lis. Verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les portes. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance et amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà. Donc le verset 4 et 5 de 2 Corinthiens 10, vous m'entendez bien, c'est clair, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Le verset 4 et 5 de 2 Corinthiens 10 nous explique clairement et davantage ce que c'est que ces armes-là. Il dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc ce n'est pas de notre dimension. Oui. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, dit la Bible, pour renverser les forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute pensée qui se lève contre la connaissance de Christ et nous amenons toute pensée captive à la connaissance de Christ, dit la Bible. Donc, ça veut dire que les âmes dont la Bible est en train de parler dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme après avoir, contre les ruses du diable, après avoir tout surmonté. Alors, ça veut dire que si ce ne sont pas les armes charnelles, alors forcément, je crois qu'il y a un petit problème. Vous m'entendez là? Oui. C'est bon. Côte d'Ivoire, je vais vraiment travailler aujourd'hui avec vous. Alors maintenant, donc on va travailler. Donc, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, ça veut dire que ce sont les armes spirituelles. Donc, vous voyez effectivement que lorsqu'on lit la Bible, il faut qu'on soit dans le contexte des choses de la Bible. Maintenant, en bas, dans ce livre d'Éphésiens, chapitre 6, il explique au verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ok, comme ce n'est pas contre la chair et le sang que nous n'avons pas à lutter, forcément, ce n'est pas contre avec les armes conventionnelles de la chair que nous avons à lutter contre ces chairs, contre ces entités-là. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est contre eux que nous avons à lutter. Et vous ne pouvez pas aller lutter contre un esprit avec un pistolet. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc pour répondre à la question, les armes avec lesquelles nous combattons, les armes dont on parle la Bible, on n'a pas dit les armes tout simplement. On a dit les armes de Dieu. Ce n'est pas les armes, non. Ce n'est pas les armes de Dieu. Ce sont les armes de Dieu, pas n'importe quel style d'arme. Et ces armes dont là, on les cite. Vous voyez effectivement qu'on prend plutôt la carrure des hommes. Parce que sur la terre, quand on a un militaire a les ceintures ici, où il met le pistolet, il met le casque. En fait, c'est la description des soldats romains là-bas. Puisqu'à ce moment-là, ce sont les soldats romains qui sont là-bas. On porte le casque et autres là-bas pour se couvrir. Il prend tout cet endroit-là pour dire, de la même façon qu'il y a une protection physique de la chair, de la même façon il y a une protection spirituelle de notre être spirituel. Et la partie qui se révèle de ces armes-là, ce n'est pas l'homme charnel donc naturellement. Parce qu'un militaire, par exemple, un gendarme, portera les armes sur son corps physique parce qu'il a lutté contre les gens physiques. Maintenant, comme nous luttons contre l'esprit, ce n'est pas cette chair qui lutte contre l'esprit et nous ne luttons pas contre la chair. Et par conséquent, l'arme que nous portons est spirituelle et le lieu où nous la portons, c'est spirituel. On la porte donc sur la partie de notre être qui est appelée l'homme intérieur, qui se renouvelle selon l'homme qui l'a créé. Donc prenez le temps de lire Colossiens chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 10, d'accord? Le verset 1 jusqu'au verset 10. Romains chapitre 13, le verset 12 jusqu'au verset 14, où on parle de se revêtir de Christ. Maintenant, regardez très attentivement. Dans ce verset 11, rentrons encore dans Éphésiens chapitre 6, là le verset 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Prenons le verset 10 d'abord. Le verset 10, lis le verset 10, le frère Nguessan. Le verset 10 dit quoi? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Voilà, c'est bon. Remarquez très attentivement, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ce n'est pas cette chaise qui se fortifie dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Puis on dit, et par sa force toute puissante. Donc, le Saint-Esprit est disponible pour le faire. Si vous lisez Éphésiens au chapitre 3, dans le chapitre 3, après que l'apôtre Paul explique, si vous prenez la partie du verset 10, Vous pouvez lire là-bas à partir du verset 14. Qu'est-ce que ça dit, verset 14 du chapitre 3 d'Éphésiens? Éphésiens chapitre 3. À partir du verset 14. Qu'est-ce que ça dit? 14. À cause de cela, oui. Je fléchis les genoux devant le Père. Oui. Tu garantis son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre. Oui. Fais qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Stop. Vous avez entendu ça? Soulignez homme intérieur. Donc il dit, quand il a vu la révélation, la grâce et la chose glorieuse qui est disposée pour les saints en haut, il dit qu'il a fléchi les genoux devant le Seigneur pour prier pour qu'il nous donne à nous les croyants sur la terre, qu'on soit puissamment fortifié et qu'on comprenne que le Saint-Esprit est disponible pour armer l'homme spirituel, l'autre côté intérieur, la partie de l'homme spirituel qui aime la parole du Seigneur et qui vit d'après la parole du Seigneur. Donc il dit qu'il faut qu'on soit fortifié comme ça selon l'homme intérieur, en prenant cela. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on comprenne effectivement que c'est l'homme intérieur qui se fortifie. C'est l'homme intérieur qui se fortifie. Et la fortification est faite avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la force puissante de Dieu qui fortifie. Et donc, c'est cet homme intérieur donc là qui se révèle de ces armes-là. Parce que cet homme intérieur-là est censé ressembler à l'image de celui qui l'a créé. À l'image de celui qui l'a créé. Donc, si cet homme intérieur est fortifié selon l'image de celui qui l'a créé, la Bible déclare donc qu'il révèle ainsi Christ. D'accord? Voilà. Donc, il y a un enseignement en deux parties que le frère Iba va poster. Le titre, c'est « Comment tenir ferme », si ma mémoire est bonne. Donc, quand ça sera posté, prenez cela parce que c'est bien développé là-dedans. Il y a la troisième et quatrième partie qui vont revenir sur les âmes du chrétien, comment s'en posséder, comment en posséder. Sur les âmes du croyant telles que données ici dans Éphésiens chapitre 6. Mais moi, je vous pose une question. Dans ces âmes des croyants telles que définies dans Éphésiens chapitre 6, avez-vous vu le sang de Jésus? Non. Vous avez vu le feu de non. Dieu? Non. Alors, donc, ces armes-là dont les gens font le bruit aujourd'hui avant d'utiliser, d'autres utilisent même le lait avec le miel. Ça sort d'où alors? Aucune idée, frère Junior. Ouais, je devrais demander au frère Yao, au frère Jules de l'autre côté, au frère Eden de l'autre côté là-bas. D'où sortent ces choses-là, tout ça? L'imagination des hommes. Eh bien, dans ce cas, et on a dit, on parlait de certaines personnes là-bas chez vous qui vendent même les. Quoi? Ils vendent même l'huile, vous appelez quoi? Le lait avec le miel dans les sachets. Le bonnet rouge. Ils vendent le sang de Jésus. Alors, dans les âmes des croyants, il n'y a pas l'eau chaude. Dans les âmes du croyant, il n'y a pas le feu dans les âmes du croyant qui sont mentionnées là-bas parce que ce sont les âmes spirituelles qui sont disposées. Et remarquez que dans le verset 11 du chapitre 6 d'Éphésiens, il est dit, prenez toutes les âmes de Dieu. Et toutes les âmes de Dieu qui sont mentionnées là-bas, il n'y a pas le feu de Dieu là-dedans. Il n'y a pas le sang de Jésus. Qu'est-ce que je bois? Je bois le sang. Je bois le sang. Vous n'êtes pas des Dracula, d'accord? Les chrétiens ne sont pas des Dracula. Les chrétiens ne sont pas des zombies. Boire du sang. Le sang de Jésus-Christ avait pour but de nous purifier parce que la Bible déclare que c'est l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand son sang est versé, c'est pour que sa vie vienne en nous. C'est en vertu de ce sang qui est versé là que nous sommes pardonnés, rachetés et justifiés. Le sang n'est pas donné dans la Bible pour combattre. Même dans l'ancien alliance, on ne prenait pas le sang pour combattre. Lorsqu'on avait des problèmes, le problème avec le Seigneur, pour être agréable, pour être propice au Seigneur, on avait pris ce sang-là avec les hysopes, on a imposé sur les lenteurs de porte. Et lorsque le destructeur parcourait l'Égypte, il regardait le sang parce qu'on était sous la protection. Donc le sang, c'est ce qui protégeait. Maintenant, étant en Christ, étant en alliance avec lui, le sang de Jésus-Christ nous a purifié de toute iniquité. De telle sorte que ça nous a mis dans un endroit appelé le propitiatoire pour que nous soyons favorables au Seigneur, pour que nous entrons dans sa grâce. Le sang n'est pas utilisé pour verser dans les yeux des démons. Que non. Vous comprenez, n'est-ce pas, mes soeurs et frères? Donc que le Seigneur vous bénisse. Alors, dans ce livre d'Éphésiens encore, Éphésiens chapitre 5, chapitre 6, le verset 10, il dit quoi? Il dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Puis on dit, et par sa force toute puissante. Donc la Bible déclare qu'on doit se fortifier. Regardez le pourquoi on a demandé de se fortifier. En fait, Si on prend sur le plan physique, en tant que les militaires et les armées, les militaires ne restent pas chaque fois dans les casernes en attendant qu'il y ait une guerre pour qu'ils partent te tirer. Non. Ils se fortifient. Ils font des entraînements. Ils font des exercices. Il y a des exercices de reconnaissance du terrain, des exercices pour manipuler les armes. On ne laisse pas les armes. C'est pour ça que les militaires enlèvent les armes chaque fois. Ils aident les affûtent. Ils nettoient les armes, même s'il n'y a pas le combat. Ils vont faire les exercices de tir. Ils font le footing et autres pour être aguerris. De telle enseigne que lorsque la guerre vient, il n'y a plus le moment. Quand il y a la guerre, ce n'est pas le moment d'aller s'entraîner. Il faut affûter les armes. Regardez les différentes techniques sur le terrain, les techniques de l'ennemi. C'est pour ça qu'eux-mêmes se créent des camps entre eux pour essayer de faire les exercices d'entraînement. Alors la Bible déclare ici aux chrétiens pour leur dire que sachez que nous sommes en guerre. Et le style de guerre dans lequel nous sommes engagés, ce n'est pas une guerre conventionnelle dans laquelle ce sont les êtres physiques qui sont nos ennemis. Ce sont des êtres spirituels qui sont méchants, extrêmement méchants. Et s'il y a une terminologie pour signifier la méchanceté, c'est eux. Et par conséquent, il n'y a pas de convention de Genève dans ce style de guerre. Il n'y a pas de traité de Maastricht ou de traité de Trieste ou de traité de Latran dans cette guerre. Il n'y a pas de convention de l'ONU de 1298. Il n'y en a pas ça dans cette guerre. C'est une guerre asymétrique dont les ennemis peuvent frapper, que tu en sois conscient ou pas. Donc si un chrétien n'est pas habilité à combattre, à se protéger, parce que là, dans ces armes-là, il se trouve des casques pour se protéger. Or, quand tu portes le casque, quelqu'un peut rester de loin, vous lancez le caillou. Mais quand vous avez le casque, ça tape sur votre casque, ça rentre. Donc, vous pouvez vous habiller en tenue de combat sans pour autant combattre, parce que l'ennemi peut vous combattre. Alors, si les chrétiens ne sont pas dans cette atmosphère de protection avec les armes de Dieu, ils sont vulnérables à 100%. Parce que la Bible déclare qu'on prend toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme. Alors, ça nous dit que si quelqu'un ne prend pas les armes de Dieu, il n'y a que les armes de Dieu qui peut nous permettre de tenir ferme contre les ruses du diable. Si on ne prend pas les armes de Dieu, je crois que nous avons un problème là. Nous avons un problème avec la Côte d'Ivoire. Je crois que nous avons un problème. Prenons une respiration musicale et on revient. Oh soleil, le vent, mon cœur attend Mais pas longtemps, tout est royal. Je voudrais briller comme un soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse. Au contact de ta majesté, je n'attends que de ressembler au soleil. Restaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu. Toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, en la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta Dans la sainteté, rebonjour, rebonsoir. Voilà, donc j'ai eu une petite interruption là, à la suite de la rupture de mon crédit, de mon forfait de internet, mais tout est rentré dans l'ordre maintenant. D'accord. Voilà, donc on a au moins 8 gigas maintenant, puisqu'on n'a pas les limités ici, on a au moins 8 gigas maintenant, le temps de bien parler. Plus de peur que de mal. Amen. Merci, assez tout. La CSP est venue maintenant. Où sont les frères de Abobo? La CSP, tu nous entends? Tu es avec les frères d'Abobo. Oui, mais je la vois connectée là. Voilà, là je vais la connecter sur son propre téléphone. Ils sont dans la même salle. Ok, ok, dans la même salle. La salle, si tu m'entends, demande de se connecter parce que mon crédit était fini et maintenant ça s'est reconnecté quoi. Alors, le frère, on était en train de développer au niveau des âmes des croyants là. Oui. La soeur, c'est que ta connexion n'est pas bonne du tout. Donc demande plutôt au frère de réintégrer le groupe, de réintégrer la connexion directement. Alors, le frère Serge, le temps qu'il se connecte là, j'espère que ta question a été répondue, n'est-ce pas? Je crois que tu auras davantage les réponses dans l'autre enseignement. Là. Oui, j'ai bien suivi. Il y a bien suivi. Oui. Ok, à tout à l'heure. Il y a la soeur, tu veux poser une question? Oui. Viens à côté du micro, ma soeur, viens à côté du micro. Ouais. Parle-moi. Bon, la dernière fois, moi et puis le frère Serge, on l'a mis et il m'a dit qu'il allait dire étranger sur moi. Bon, on a parlé de Dieu étranger. Et là, on a parlé de Dieu étranger, on a pris un passage, on a parlé de Dieu étranger. Bon, moi, je ne partis pas, je ne fais pas la, je fais pas l'habitage. Donc, je me demandais comment quand je suis parti par maintenant, ce qui t'a prié. Le verset que je prenais, c'était, on me dit, faut ôter les dieux étrangers de la maison. Donc, on dit, moi, je ne fais pas ma vie, comment les croyants disent que je suis chez moi. Mais après, j'ai appris mon mari pour demander, est-ce que quand j'ai quitté au pays, mon mari est togolais, tu as fait sacrifice quelque chose? Il dit, oui, il a fait sacrifice de mouton. Mm. Mais il a fait ce mouton là chez la maison, peut-être là. Chez nous, la maison, il n'a qu'à jeter. Et puis après, il m'a dit, est-ce qu'après ça, il n'y a pas un autre dieu, il n'y a pas un autre petit chancor? Il dit qu'il a soulevé quelqu'un au village, au pays, pour venir, on y va ici, avec un fétiche. Mais le fétiche, ça se promet chez nous à la maison là-bas. Maintenant, il a demandé, il a quand envoyé le fétiche au village avec son fétiche. Il dit que moi, il ne peut rien faire. Il dit, mais moi, il peut prier ce fétiche avec faire partie, la prière veut faire partie du fétiche. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Donc, parce que le fétiche, ça se trouve à ça, chez moi à la maison. Et moi, ici, je ne sais pas comment je vais faire, il va partir, je ne sais pas comment je vais faire. Après, le chrétien, je ne sais pas comment il doit faire. Ok. Donc, le dieu étranger se trouve au, c'est au Togo. Ça se trouve au Togo. Et maintenant, toi, tu es en Côte d'Ivoire. Tu demandes comment il faut faire maintenant pour résoudre le problème là. Oui. Le petit est chez moi, à Saint-Pedro. Oui. Et ça, je suis pas la maison. Ça, je suis pas la maison. Oui, mais quand il a d'abord parlé de dieu étranger, qu'est-ce que tu as pensé alors? Bon, quand on parle de Dieu étranger, je pensais que c'était. Je pensais que c'était un maraboutage. Petit, j'ai pris chez quelqu'un qui vient de chez moi à la maison. C'est pas ça que j'ai pensé. Moi, je n'avais pas maraboutage. Et quand tu es rentré prier, alors, qu'est-ce que le Seigneur t'a montré? Bon, quand je priais, bon, quand je lisais la Bible, je prenais tout une passage pour dire j'ai ôté Dieu étranger chez moi à la maison. Pour ça, moi, j'ai prié. Quand j'ai prié, bon, il est arrivé dans la prière en tout cas. Mais je me demande, c'est quel Dieu qui est chez moi à la maison? Parce que moi, je ne fais pas, je ne fais pas chanter la Bible, je ne sais pas quel Dieu qui est chez moi. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on envoie la parole maintenant? On chasse le Dieu étranger là-bas? Bon, moi, c'est pas ce que les gens. Je veux comprendre, je ne sais pas quel Dieu étranger. Comment je dois faire plus de fiches chez moi à la maison, c'est ce que je veux savoir. Voilà. Maintenant, ton mari est où alors? Parce qu'il y a des fiches chez moi à la maison. Mon mari est à Saint-Pedro. Lui, il ne va pas à l'église. Mais... Oui, mais quand tu lui as parlé de Dieu étranger, il ne t'a pas demandé que. Mais toi, tu es allé entrer où là-même? Bon, quand il lui a parlé, il t'a demandé. Il m'a dit qu'il y a un mouton qui avait sacrifié sa tête là, c'est la maison. Oui, mais est-ce... Il m'a dit qu'il n'a pas. Il n'était pas étonné du fait que tu lui demandes cela. Il n'a pas dit que pourquoi tu demandes ça? Bon, il m'a demandé, je sais qu'il a dit que c'est dans la prière que le Seigneur m'a appelé là. Oui. Là, il m'a dit que moi, j'ai fait quelque chose, et puis Dieu étranger a quitté chez la maison. Et lui, moi aussi, il dit que si en fait Dieu, c'est moi, il ne peut pas faire quelque chose. Mon Dieu là aussi n'est pas fort. Bon, le frère Nguessan, voici ce qu'il dit. Oui. Il y a deux enseignements que le frère va venir poster là, c'est de prendre un bon départ, quelque chose comme ça, la première partie, deuxième partie. Il faut prendre, je crois qu'il va falloir essayer de télécharger ça, que la soeur s'y écoute pour savoir comment résoudre ce problème-ci, le problème des dieux étrangers dans la famille. Comment on fait pour s'en découvrir et pour se déconnecter de cela. Parce que lorsqu'elle va progresser, d'accord, elle va progresser, et ce n'est pas seulement son cas, lorsqu'elle va progresser plus tard dans la foi, quand elle va vouloir avancer dans la foi, elle va voir qu'il y a des blocages, elle ne doit pas savoir d'où ça vient, alors que ce sont ces choses qu'on a enterrées dans la maison, les choses qu'on apporte dans la maison. Après qu'on dit qu'on a créé une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, alors qu'il y a les divinités étrangères à la maison. Donc il y a l'enseignement, prendre un bon départ, première partie, deuxième partie, avec la prière, qu'elle prend cela pour résoudre ces problèmes-là. D'accord, elle va sur les instructions qui y sont. D'accord, frère, j'ai compris. Rebonzou, du côté de Bobo, vous êtes connecté maintenant. Voilà. Voilà, voilà, frère Eden, merci beaucoup. Donc, oui, ma sœur pose la question. Quand je dors, quand je suis en jeûne, je prie, je dors, on m'envoie manger en rêve. Et puis je mange. Mais quand tu ne jeûnes pas, est-ce que tu dors, tu fais comment, tu ne manges pas en rêve? Quand je dors là, quand je ne jeûne pas, je ne mange pas en rêve. Mais c'est quand je jeûne là. Que tu manges? Je mange. Hein? Non, mais c'est, si tu manges en rêve pendant que tu jeûnes, ça va nous dire que c'est parce que tu as faim alors. J'ai faim. Parce que moi, je ne comprends pas là. Oui. Quand je prie. Oui. Et puis quand je finis de prier, je me couche comme ça là. C'est ça, on m'envoie manger. Donc, ça dit, ça dit que tu as un problème. On te nourrit franchement dans la sorcellerie. Ça se passe qu'on te nourrit dans la sorcellerie, on t'alimente. Donc, tu n'as pas de jeûne, tu jeûnes avec les sorciers alors. Il faut donc qu'on prie pour toi, n'est-ce pas? Oui. Bon, avant, je ne mangeais pas en rêve. Depuis, ma santé a commencé. Et puis, j'ai commencé à jeûner. C'est ça, je suis que maintenant, on ne peut manger en rêve. Sinon, avant, il ne savait pas manger en rêve. Voilà, maintenant, parce que tu as pris la conscience, maintenant qu'il faut marcher avec le Seigneur droitement. À partir de cet instant, tu vas savoir maintenant qu'on te donne les jeux. Ce sont des poisons alors qu'on te donne comme ça, d'accord? Si c'est fréquent et répétitif, ça suppose qu'il y a un problème. Il y a un problème d'ordre spirituel. D'accord? Voilà. Il y a aussi le bon mari de nuit. Oui. Mari de nuit, il se couche avec moi. Donc tu as envoyé ton mari manger la tête de mouton au Togo et toi tu restes maintenant avec mari de nuit, quoi. Donc il faut qu'on prie pour toi. D'accord? D'accord. Mais où est le frère Yao et le frère Olivier là même? Donc ça dit qu'il y a le travail par ici. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on prie pour cette soeur-ci. Donc ma soeur, on va prier pour toi, d'accord? Cette chose-là va sortir, mais c'est mauvais. Mais quels sont ceux-ci qui attachent le pain traditionnel avec les... Comment vous appelez cela? Les coris, là, c'est qui ça? Le pain traditionnel. Moi, je me dis, il y a pain traditionnel, mais on n'est pas coris. Il n'y a pas. On attache les choses, là, qui sont les... Vous appelez les comment on appelle ces choses-ci? Que les femmes portent là, les goûts. Comment vous appelez ça? Les bracelets. Oui, on n'attache pas une traditionnelle, il y a des choses comme ça, on est là-dessus, pour les mains. C'est tressé. C'est quelle cérémonie on fait comme ça avec vous là? Je m'adresse à toi, toi qui me parle, pose la question là, ma soeur. Est-ce qu'elle comprend ce qu'il dit? Bon, je ne l'ai pas là-bas, il faut coutume. C'est la cérémonie, quand les fêtes là arrivent, on sortit. Souvent, sortit des bébés. Souvent, quand les gens viennent, les présidents là viennent. On fait pour consacrer, pour la consécration. Comment je ne sais pas tout, elle ne connaît pas bien. Elle comprend même ce qu'il dit. Elle comprend ce que tu en as dit là. Oh, hein? Je comprends pas bien ce que tu dis. Dans les cérémonies de consécration, on s'habille comme ça, on danse, on fait il y a des choses qu'on porte, on ouvre. Uh-huh. Et on prononce des paroles avec le patois, avec la langue maternelle. Mm-hmm. Elle m'entend, n'est-ce pas? Oui, elle vous entend. Ok, donc tu as besoin de délivrance, n'est-ce pas, ma soeur? D'accord. Tu as besoin de délivrance. Et où sont les missionnaires de Dabobo là? Il y a le frère Olivier, comme ils ont gêné là, comme ça, ils sont remplis, ils vont venir, ils vont traiter avec contre cela, d'accord? Donc, je souhaite être là dimanche prochain, si je ne voyage pas, dimanche prochain, pour qu'on puisse parler et on prie ensemble pour que je voie comment ça se passe, d'accord, ma soeur? Mm-hmm. Est-ce qu'on pouvait prier maintenant? Bon, ça c'est trop de fatigue comme ça là. Des autres questions, ma soeur? Donc tu vois donc qu'il y a un problème maintenant de la définition du chrétien, n'est-ce pas? Parce qu'on est chrétien aujourd'hui parce qu'on est grandi dans les familles chrétiennes. On est chrétien aujourd'hui parce qu'on a décidé d'aller à l'église. On est chrétien ainsi de suite, ainsi de suite. Mais 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Colossiens chapitre 2 verset 12, il dit que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés par son sang. Donc normalement, ces choses-là ne devraient pas se passer. C'est un signe qu'il y a quelque chose d'anormal dans la fondation. D'accord, ma chère. C'est-à-dire, en réalité, la question c'est comment es-tu devenu chrétien? C'est la question que ça se pose. Donc, il y a un vrai problème dans la base. Après la délivrance, donc, tu vas te redécouvrir et là maintenant, tu te consacres au Seigneur par la parole. D'accord? D'accord. Mm-hmm. Francis Dibé, bonjour et bienvenue. Ok. Des questions encore, mon frère? Ça va, ma soeur, ça va? Avec les questions? Ça va. Donc, on résume ceci. Notre soeur a besoin de délivrance et les frères Yao et Jules seront. Yao et le frère Olivier seront là certainement dimanche prochain. S'ils avaient été approchés là, on devait entamer avec la prière maintenant. Peut-être s'il dit maintenant à frère Paul Espérance de prier, la mère va dire: ah, j'ignore, je ne peux pas. Donc, on va patienter pour que les frères viennent là-bas pour prier. Mais il y a une personne pour qui on a prié la dernière fois là. Comment ça s'appelle encore là? Une soeur là. Oui. Elle a le problème avec la parole. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle a le problème avec la parole. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle est où? C'est ce qu'on appelle. La soeur qu'on a pris, elle était ici, on a pris pour elle. Elle avait Anne-Marie. Oui, il y a l'autre chez qui le frère Yao est. Le frère Olivier, venez, on parle là. Comme ça, t'as à côté de là-bas. Oui, elle est où? La sœur Yvonne. Elle habite à Makori. Oui, elle est à Makori. Comment elle va déjà? Pourtant, ça va pour le moment, frère Junior. Quel est son problème avec la parole au juste? Elle a des obstacles avec la parole. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit quoi? Elle ne veut pas se faire baptiser. Parce qu'elle dit que dans la vie, c'est écrit, on doit se baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, elle dit qu'elle n'a qu'à se baptiser au nom de Jésus. Ça va réfléchir. Elle n'a qu'à réfléchir. Ok. Courage. Mais souvenez-vous, allez doucement avec les gens. Quand les gens ne comprennent pas, allez doucement avec les gens. D'accord? Ne forcez pas les gens. Allez vraiment doucement avec sagesse avec les gens. Oui. On va doucement, on va laisser le temps. On doit d'abord réfléchir. C'est les frères, on va appeler les frères. Bon, maintenant, le vrai problème maintenant, c'est qu'elle est sur le fil. Comme elle tient sur le fil. Donc, à tout moment là, ce sera terminé. Donc, elle ferait mieux de bien réfléchir. D'accord? Je suis fatigué, je ne suis pas prête. Donc, le frère. Elle a d'autres personnes qui viennent lui rendre visite et c'est pas ce qu'on lui dit là-bas. Oui. Donc, quand je viens lui parler, dit oui. Quand elle aussi vient parler, dit oui, on ne sait pas ce qu'elle veut. Donc, il faut la laisser entre les mains du Seigneur, d'accord? Donc le frère Yao et le frère Olivier, il y a du travail que vous attend là-bas de l'autre côté. Vous voyez la soeur qui est assise là. Bon, ces esprits familiers de la tradition là, contre qui il faut découdre. D'accord? D'accord, c'est quoi, frère? Il y a le travail en Côte d'Ivoire. Donc dimanche, on se donne rendez-vous dimanche exactement à midi. Comme ça, on va travailler avec eux là. On va prier pour elles et pour tous ceux qui ont besoin de prier là. Dans la salle, je ne vois pas. Je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de la prière également dans votre salle là. Mais toi, tu poses la question aux gens qui ont eu les rêves similaires pendant leur jeûne. Les gens qui ont jeûné avec vous là-bas et qui ont eu des attaques, des couches de nuit pendant le jeûne. Frère Yao, pose-le la question. Voilà, il y a le frère. Fais-le venir. Oui, il est déjà parti. Bonjour mes frères, bonjour, comment vous allez? Est-ce que c'est normal que pendant la période des jeûnes, des telles choses nous arrivent dans le songe? C'est pas normal, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris la question. Pas du tout. Donc, c'est pas... Dis-moi si c'est normal que... Voilà, ça dépend du son. Voilà, ça dépend du son. Est-ce que ce n'est pas nous qui voulons voir? C'est les révélations, donc ce n'est pas nous qui décidons voir. Non. Je parle spécifiquement pour ceux qui ont... C'est les couches de nuit dont je parle. Je parle pour ceux qui ont les couches de nuit. En dehors de ça, vous quittez. Le frère, c'est frère, c'est mon frère, c'est libé, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon Oui, le frère, vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, on t'attend, frère Junior. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail à faire dans son environnement, ce qu'il regarde et ce qu'il vit au quotidien. Les choses qu'il regarde. Il y a les images qui sont imprégnées dans son cœur. Oui. Frère, tu peux lui répéter ça pour qu'il saisisse ce que je lui dis. Il a compris. Voilà, donc les objets de ces méditations ne sont pas bons. Tu comprends mon frère? Voilà. Prenez le livre de Philippiens chapitre 4 verset 8, vous le lisez comme ça il comprend ce que ça nous dit. Parce que ces choses là sont entretenues, c'est le signe qu'il y a quelque chose de connecté à l'intérieur avec les ténèbres. Il faut qu'on s'en débarrasse avec les œuvres des ténèbres. Donc il y a les choses extérieures qui entretiennent le sexe. On n'a pas bien saisi le verset, un peu, je vais répéter le verset. On n'a pas bien saisi. Philippiens chapitre 4, le verset 8. On reste frère. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est véritable, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc ça dit que l'objet des pensées ne doit pas être de ces choses impures. D'accord, mes chers frères là. Donc c'est tout ces choses. Le frère Olivier, il faut ouvrir également le psaume 101, le verset 3. Le psaume 101, le verset 3. Donc il faut que les frères et les bien-aimés et même les sœurs décident désormais de ne plus mettre les choses impures. Ce n'est pas notre style de vie ça. Le style de vie, c'est que nous devons quitter tout ce qui appartient aux ténèbres. Oui, verset 3. Psaume 101, verset 3. Il est écrit: je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Voilà. Elle ne fait point à moi. Voilà. Donc on ne mettra rien quoi de mauvais devant les yeux. Donc devant nos yeux, on ne doit pas avoir quelque chose qui est mauvais pour voir. Parce que ça détruit notre pensée, ça souille notre intérieur. D'accord, mes frères. Oui, frère Yao. Oui, frère Yao. Oui. Au moins un petit exemple, parce que comme tu dis comme ça. Ne mets rien d'impur devant nos yeux, au moins petit exemple. Comme quoi, comme ça. Quand toi tu entends, qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends quoi dedans? Je comprends bien. Parce que tu vois, à certaines choses, comme selon l'écriture, à certaines choses qu'on ne devait pas voir. Et ils sont encore plein des jeunes. Il y a certaines choses comme à la télévision, tu vois, le téléphone audio, tout est affiché sur l'écran. Oui. Donc vraiment, voilà. Donc c'est un truc comme ça, c'est dans les païens. C'est de ça exactement. C'est à quoi ils s'attachent. C'est de ça exactement qu'on a parlé. Parce que ces images-là influencent leur vie spirituelle, influencent leur corps. Ça laisse saler à l'intérieur sans qu'ils ne se rendent compte. Dans les ordinateurs, dans les téléphones portables, justement, ils ont des extraits de choses obscènes qui ne sont pas bonnes, qui regardent par-ci, par-là, à la télévision. Et ça crée ces choses-ci. Donc c'est vrai. Frère Junior, je t'informe comme ça. Parce qu'on considère à la télévision. Il est là, Junior. Oui. Il est là. Oui, je suis là. Voilà. Concernant la télévision, voilà. En étant sur ça, avec les frères, je ne bégaye pas avec ça parce que moi, j'ai vécu ça. Quand tu as donné ton témoignage sur la télévision, tu parlais sur la télévision, je faisais tout le discours à la maison avec madame. Oui. Il y avait mon premier garçon, il y avait 10 ans, et il y avait une fille de ma petite qui avait 6 ans. Oui. Ben, généralement, je disais à ma femme que la prison n'est pas bonne, parce que quand tu m'as dit ça, moi, j'ai vu ce qu'elle cachait derrière la télévision. Oui. Et dans le même moment, une fois il pleuvait, j'étais au travail, madame, j'ai arrivé à la maison la nuit. Elle m'informe comme ça que vraiment, le petit garçon qui avait 10 ans et la dernière qui avait seulement que 6 ans, elle tenait les supports au salon. Oui. Au salon. Vraiment, fraîche, non, c'est quand même elle a vu, c'était vraiment terrible. Elle était étonnée de voir une petite fille de 6 ans. Oui, ne prononce pas. Qui s'en est de pratiquer des choses qu'il voit à la télévision, d'accord? Ah là, mon frère, oui, voilà ça. Mm-hmm. Donc, tu vois, des choses, il fait venir les enfants. Il y a des tournées comme ça, mais où vous avez appris ces choses-là? Voilà. Et la petite, c'est que quand maman s'en va au marché, celui même qui a 10 ans, le plus grand, il dit quand on dort la nuit, il met la télévision et à chaque film, à chaque nation, comme il a dit, à chaque fois que le bandit va aller tuer un bras ou faire certaines personnes, oui. Il fait ces choses-là d'abord et c'est là qu'il a remarqué ces choses-là. Oui. Vraiment, quand il n'avait pas expliqué ces choses-là, il a compris automatiquement que la télévision, vraiment, c'est un moyen vraiment plus facile pour Satan. Pour détruire même les enfants de Dieu. Voilà. Donc vraiment, même quand il y a eu ça, en tout cas à la maison, c'est comme la télévision, moi, il n'y a plus la télévision, allez, j'étais même chez un frère. Oui. En tout cas, ça va être facile pour madame, mais avec le temps, elle a compris. Voilà. Donc, quand tu n'es pas ce que nous voyons, c'est pourquoi il y a insisté sur ça, parce que les jeunes gens de maintenant, nous voyons, on dit tout a évolué. Oui. Donc vraiment, on voit tout partout. Ils se livrent à toutes ces choses-là. Et c'est aussi que ce que les yeux voient. C'est ce qui condamne l'esprit. Et oui. Tout ce que nous regardons, c'est ce que quand nous dormons la nuit, c'est ce que nous voyons. Donc chaque jour, avec les frères, je les ai chaque jour. S'ils veulent chercher à voir quelque chose, il n'aura toujours consacré, se poser avec la parole. Oui. En lisant la Bible chaque jour, ces choses-là, parce que ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Quelqu'un qui dit chrétien, et puis encore la nuit, il a encore des couches de nuit, et la nuit encore, il a encore poussé par certaines choses. Parce que tout ce que les yeux voient, et c'est ce qu'il a nous quand nous demandons, nous voyons. Voilà. Donc, si nous voyons toujours par la parole de Dieu, c'est ce que nous allons voir vraiment sur notre couche. C'est quand on pose la question pour qu'on donne un petit exemple, pour qu'ils puissent comprendre. Voilà. Ils comprennent. En fait, frère Yao et frère Olivier, il y a des enseignements déjà qu'on a fait sur Dynamique FM sur les chrétiens et la télévision. Je crois que ce sera bien pour vous de que chaque personne prenne les enseignements, écoute d'abord et que par la suite, quand vous vous rencontrez, vous partagez ce que vous avez reçu. Parce que si vous restez comme ça, que chaque personne vient se joindre à vous, vous allez vous répéter chaque fois et les gens ne vont même pas comprendre le pourquoi de ces choses-là. Ils vont croire effectivement que ce sont les interdits, qu'on les interdit de jouir de la modernité. Il faut qu'ils comprennent que c'est leur âme qui est en jeu. Parce que les choses qu'on voit qui influencent notre esprit, comme tu en as dit là, ont tôt ou tard des effets sur nous. Et nous absorbons cela, ça travaille en nous, en notre insu, et nous manifestons les œuvres des ténèbres tout en confessant comme étant les chrétiens. Donc il faut qu'on fasse attention. Donc distribuer les enseignements sur la sanctification, sur la sainteté, et particulièrement sur le chrétien et la télévision pour qu'on envoie. Et, d'accord mes frères? Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'au sortir d'ici, on va prier. Je vais prier pour vous. Vous qui avez été dans le jeu et vous qui êtes dans le jeu, on va prier pour vous que pour vous recommander entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Amen. Seigneur. Oui. Pour moi, j'ai une préoccupation là. Oui. Concernant le chapitre 6 là, les différentes armes du croyant. Oui, les Ephésiens chapitre 6. Voilà. Particulièrement l'âme concernant la foi. Oui. Le fait de la foi. Oui. Bon. De preuves, c'est la propriété du bourreau et de la foi. Bon, maintenant, je vais savoir s'il y a une différence entre cette foi dont il est question ici et puis la foi de l'Éphésiens chapitre 2. Parce que quand on voit l'Éphésiens chapitre 2 ici, les questions de aujourd'hui, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Ça, c'est la foi pour être sauvé. Non, ça, c'est la foi pour être sauvé. L'Éphésiens chapitre 2, les questions de la foi pour être sauvé. D'accord? Oui. Voilà. C'est pour savoir qu'il y a une différence entre cette foi d'Éphésiens 2 et puis la foi d'Éphésiens chapitre 6. Cette foi d'Éphésiens chapitre 6, c'est exactement cette foi qui se trouve dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. La foi qui produit, qui se développe au-dessus, dont la vertu se développe au-dessus, la puissance se développe au-dessus. D'accord? C'est la foi dont on parle comme la foi fondamentale transmise au sein une fois pour toutes, comme Jude chapitre 1, verset 20 le dit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce n'est pas le même style de foi. Donc là, ici, ce n'est pas un don, alors. Non. Écoutez, attentivement. La foi pour être sauvée dans Ephésiens chapitre 2 parle, c'est autre chose. Maintenant, la foi d'Ephésiens chapitre 6 comme âme de croyant pour demeurer ferme dans les saintes écritures et dans la voie de la foi, c'est une autre chose. Parce qu'on dit, là, on demande de prendre cela. Si on demande de prendre toutes les âmes de Dieu, de prendre cela, on ne l'avait pas encore. Ça dit qu'on doit se revêtir de cela, d'accord? Amen. Pour que la foi s'enferme de cette façon-là, comme le 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 et 10 dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est dévoré. Résiste-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Et comme dans le livre de Jacques, quand la Bible déclare qu'on le fasse, il dit que ce n'est pas le Saint-Esprit que ceci se passe à l'intérieur de la vie du croyant. Et ça se trouve que c'est lorsque on est dans la progression de la connaissance. Souvenez-vous, notez 2 Pierre chapitre 1, les versets 3 jusqu'au verset 10. Ça se trouve là-bas. Vous allez voir les statuts parfaits de l'homme qui ne peut pas être ébranlé. D'accord? Mmh. Autre question, je crois que le frère Achille, ça va, tu avais tu as des préoccupations? Je crois que on va poser un aparté après sur Skype. Un aparté. J'ai lu ce que tu avais écrit, d'accord. J'ai lu, mais je suis tellement occupé. J'ai lu, j'attendais le bon moment, d'accord. Parce que ce sont les grandes questions. Tu vois effectivement que si le cœur n'est pas pur, le cœur n'est pas droit, il y a des choses que tu vas prier longtemps, tu ne dois pas avoir de réponse parce que tu ne sais pas laquelle est la volonté de Dieu, ni quelle direction prendre, d'accord. À tout à l'heure. Donc dès qu'on va finir directement, il faut te connecter. Sinon, je vais prendre certaines personnes d'autres qui sont à l'étranger qui m'attendent. D'accord? Oui, frère Olivier, je suis à ton écoute. En termes de préoccupation, Joël chapitre 2. Oui. Voilà, à partir du verset 28, là-bas, il est question de. Au dernier jour, j'ai répondu mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils. Vos billards, le soir, etc. Oui. Maintenant, lorsqu'on parle, et Ézéchiel chapitre 36. Oui. Là-bas aussi, les questions aussi de je mettrai en eux mon esprit. Oui. J'ai ôté le cœur de Pierre. Oui. Pour leur donner un. Et je leur donnerai un esprit. Je mettrai en eux mon esprit. Oui. Bon, je voudrais savoir ces deux passages-là. Dans Joël chapitre 2, ici, les questions de l'esprit que Dieu dit qu'il va répondre sur nous. Oui. Bon, alors. Ézéchiel chapitre 36, les questions de l'esprit que Dieu avait habité en nous. Oui. Bon, là, voilà la différence. Je voudrais savoir quelle est la différence de ces deux expressions-là. L'esprit. Bonne question. Ouvre Éphésiens. Vous m'entendez? Oui, on nous voit après. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Oui. Donc, effectivement, pour ceux qui n'ont pas écouté la question, si vous lisez effectivement Joël chapitre 2, dont l'apôtre Pierre a réitéré dans Actes chapitre 2, lorsque la Pentecôte va avoir lieu, la Bible déclare justement là-bas. Que je verserai mon esprit au dernier jour, dit le Seigneur, je verserai mon esprit sur toute chair, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et le frère Olivier dit, dans Ézéchiel chapitre 36, dans le chapitre 36 d'Ézéchiel, verset 25 à 28, il fait mention là-bas du nettoyage que Dieu va faire et il va placer son esprit à l'intérieur. Et placer ce commandement était enlever le cœur de pierre, des chairs et installer le cœur de pierre et faire de temps en temps qu'on puisse observer ses paroles. Le frère Olivier demande quelle est la différence entre l'esprit sur et l'esprit en. On va voir cela dans le premier exemple type. Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Vous pouvez également noter Actes chapitre 1 parce qu'on va y revenir maintenant. Allons-y, lisons alors. Non, je lis. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus. Rempli du Saint-Esprit, revint du Judée. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Verset 3. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre, qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Oui. Si donc tu te prosternes devant moi, oui, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il a écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 9. Le diable nous conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, donne des ordres à des anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 13, après l'avoir tenté de toutes les manières, diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Tu continues, frère? Maintenant Jésus, allons-y. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est bon. Le frère, levez-vous, m'entendez? Oui, frère. Maintenant, suivez très attentivement. Le chapitre 4, verset 1 dit que comment il est, avant d'aller au désert, comment il était? Rempli du Saint-Esprit. Quand il retourne du désert, il est comment? Revêtu de la puissance de l'Esprit. Bon, maintenant, regardez. Nous sommes dans le livre de Luc. Ouvrez le livre de Luc et puis Actes des Apôtres, chapitre 1. Je vais vous expliquer quelque chose. Toujours Luc, chapitre 24. Luc, le chapitre. Il y a les enfants qui bavardent à Bobo. Luc, chapitre 24. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Maintenant, ouvrez Actes des Apôtres, chapitre 1. Vous y êtes? Verset 49 de 48 et 49 de chapitre 24 de Luc. Verset 49, plein. Verset 48 et 49. Luc, chapitre 24, verset 48 et 49. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Yoli, vous êtes témoin de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Oui. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous avez entendu? Oui. Maintenant, le chapitre 1, verset 5 à 8. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 5 à 8. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc le Saint-Esprit survenant sur eux ou bien en eux. Sur eux. Pour leur donner, pour leur octroyer la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc ça dit le Saint-Esprit vient sur eux, n'est-ce pas? Oui. blessure. Ouvrez 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Et puis préparez aussi le livre de Colossiens. On va revenir dans le livre de Luc, chapitre 1, chapitre 2. Un Corinthiens chapitre 12, verset 13. Vous y êtes? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Oui. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Ouvrez le chapitre 6, versets 19 et 20. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà, c'est bon. Maintenant, chapitre 3, verset 17, verset 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà. Maintenant, avec toutes ces lectures, je vais toujours avoir votre attention maintenant. Et je vais encore vous donner deux ou trois autres passages. Notez Colossiens chapitre 1, le verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 27. Notez. N'ouvrez pas. Je vais expliquer que je vais d'abord que vous notez, puis j'explique. On va y aller. Notez Colossiens chapitre 1. Vous m'entendez tous, non? Dans les deux régions là. Ok. Colossiens chapitre 1, verset 27. Romains chapitre 8, verset 9 et 10. Notez ça. Notez enfin le livre de Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, verset 25 à 27. Donc, lorsqu'on va commencer, lorsqu'il va finir d'expliquer ce qu'il va expliquer, on va commencer dans le livre de Luc, d'accord? Voilà. Mais écoutez très attentivement. D'après tout ce qu'on a lu là, parce qu'en fait, le frère Olivier a posé la question en lisant effectivement distinctement dans le livre de Colossiens, dans le livre de Joël, chapitre 2, puis dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, on parle d'une œuvre intérieure qui se passera. Dans le livre de Joël, on parle d'une œuvre extérieure du même esprit. Donc nous voyons effectivement qu'il y a un travail extérieur qui doit être fait prophétiquement, qui est censé être posé. Et de l'autre côté, l'œuvre extérieure. Or, donc, Joël chapitre 2 montre clairement l'extériorisation de la manifestation de dons reçus par quelqu'un sous l'impulsion du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Oui. Parce que la prophétie de Joël, chapitre 2, dit « J'ai déversé mon esprit sur toute chair. » Donc, il va leur communiquer l'habilité du Saint-Esprit pour pouvoir manifester les dons spirituels. Alors que dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 25, 26 et 27, il est question du renouvellement, de la circoncision du cœur à l'intérieur, donc de la nouvelle naissance. C'est n'est-ce pas? Ou c'est n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose à l'intérieur et l'extérieur. Or, maintenant, le vrai problème maintenant, c'est ceci. C'est que vous allez voir effectivement que les gens pouvaient, même dans l'ancienne alliance, avoir l'esprit agissant sur eux sans avoir l'esprit tabernaclant en eux. Je ne sais pas si jusque-là vous saisissez. Prenez donc Luc. Voyons un exemple dans le livre de Luc. Luc chapitre 2, verset 25, 26 et 27. Le cas de Siméon. Luc chapitre 2, verset 25, voici. Luc chapitre à partir verset 25. Oui, à partir verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Voilà. Il va au temple poussé par le Saint-Esprit. Bien, c'est bien. Il reçut l'enfant Jésus à la main des parents et puis il commença à parler. C'est bon. Mais le verset 25 nous dit qu'il y avait un homme juste et pieux qui s'appelait Siméon. On dit qu'il y avait quoi sur lui? Le Saint-Esprit. Voilà. Donc l'Esprit était sur lui, pas en lui. Parce que si vous lisez Jean chapitre 7, les versets 37 et 38, la Bible déclare, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'était debout dit que celui qui a soif vient et boire. Celui qui a soif vient et boive. Celui qui croit en moi, des eaux de vie vive couleront de son sein, donc de l'intérieur. Vous voyez là, n'est-ce pas? De l'intérieur. La Bible déclare qu'il dit cela, il dit comme le dit les Écritures, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce que l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc il fallait qu'après sa mort, que son esprit soit disponible maintenant à venir tabernacler chez les croyants. Maintenant, je vais dire quelque chose qui risque de choquer maintenant. Mais avant cela, on va quand même le dire. Ça va choquer, mais c'est quand même la vérité. Dieu ne donne pas son esprit n'importe comment, comme c'était le bout du pain qu'on partage à n'importe qui. Il dit bien l'esprit tabernacle là. Pour que Dieu te l'accorde, il faut que tu aies été son fils. Okay. Amen. Amen. J'arrive. C'est calme là. Ok. Donc maintenant, écoutez très attentivement encore. Ouvrez le livre de 1 Jean chapitre 2. Je vais vous montrer quelque chose. 1 Jean chapitre 2. Non, en clair, ce qu'ils sont de vouloir dire en langage simple, ça veut dire les gens peuvent avoir l'influence de l'esprit sur eux sans avoir l'esprit tabernacle en eux, même maintenant. Et c'est pour ça que c'est dangereux, très dangereux. Il faut vérifier que Éphésiens chapitre 1, verset 11 à 14, s'est accompli. C'est-à-dire qu'après avoir écouté l'évangile, on doit être scellé du Saint-Esprit. Si ce n'est pas scellé du Saint-Esprit, vous ferez mieux de chercher. Bon, maintenant, vous voyez effectivement, on trompe les gens aujourd'hui que non, quand tu confesses Jésus, tu le sens Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu es enfant de Dieu, né de nouveau. Oh, alléluia, vous parlez. Attendons seulement. Maintenant, j'ai dit quel livre déjà? 1 Jean chapitre 2. Maintenant, lisez un peu le verset 14, voir. Regardez ce qu'il dit. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Oui. Je vous ai écrit, jeune Jean, parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous. Oui. Et que vous avez vaincu le malin. Oui. Continue. N'aimez pas le monde. Lis le verset 13 d'abord, mon frère. Lis le verset 13. Le verset 13 d'abord avant de lire le 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeune Jean, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Maintenant, les jeunes gens... Je vous ai écrit, oui. Jeunes gens, oui. Oui, oui, oui. Parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous. Oui. Et que vous avez vaincu le malin. Maintenant, verset 12 dit quoi? Ce qu'on cite chaque fois sans comprendre, qu'est-ce que ça dit? Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Voilà. Et comme les péchés sont pardonnés à cause de son nom, la parole habite dans les jeunes gens. Quand la parole vient tabernacler dans les jeunes gens, on parle que Christ, parce que c'est la parole Christ qui habite en nous. La Bible déclare que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Mais vous remarquez très attentivement qu'il fallait que le Saint-Esprit descende sur eux. Donc, en réalité, la parole ou un de l'Esprit de Dieu vivifie le croyant, vivifie celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ et l'amène en relation avec le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit vient dans le moment pour tabernacler. Quand le Saint-Esprit vient pour tabernacler, on parle que tu as été scellé du Saint-Esprit. Donc, Dieu a approuvé ta foi en Jésus-Christ comme étant l'authentique. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, écoutez très attentivement. Nous sommes au chapitre 2, n'est-ce pas, de 1 Jean. Mm-hmm. Lisons à partir du verset 20 jusqu'au verset 26 maintenant. Pour vous, avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon, celui qui ment, qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist. Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite de la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'encens que vous avez reçu de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Donc vous voyez effectivement que ici, l'onction n'est pas sur la personne, mais l'onction demeure, habite, tabernacle. Vous m'entendez? Je crois qu'il y a un peu de bugs là. Amen. Vous m'avez entendu, n'est-ce pas? Vous, de Abogo, Abogo, vous m'avez entendu? Frère, vous m'entendez de l'autre côté là? On t'attend. Vous m'entendez là-bas, n'est-ce pas? Le, frère Serge, vous m'entendez de ce côté? Oui, oui, amen, amen. Voilà. Alors, frère Eden et autres, nous venons de lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 20 à 27. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Tabernacle en vous, habite en vous. Donc ça, ce n'est pas l'onction sur quelqu'un, ça c'est l'onction habitant. Là, il en est de parler des tabernacles du Saint-Esprit dont on a vu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17 et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Vous voyez ce qu'il a dit là-bas, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà, que Dieu nous a donné. Et donc là, il y a l'onction à l'intérieur et c'est ceci que les croyants doivent chercher. Beaucoup de croyants sont non superficiels, ont les effets de l'Esprit. Les effets de l'Esprit sans pour autant être tabernaclés par l'Esprit. Et c'est, la majorité se trouve comme ça parce que pour que vous arriviez à ce point-ci, il faut que votre famille avec Dieu soit vraiment scellée. Vraiment. Et la Bible déclare qu'il donne son esprit à ses fils dans Galates chapitre 4. Parce que vous êtes fils, Dieu donne son esprit par lequel là, le fils de son fils, par lequel nous crions Abba. Maintenant, regardons Romains chapitre 8. Avant Romains, ouvrons Colossiens chapitre 1, verset dont j'ai parlé. Frère Junior. Oui. Je n'ai pas bien compris. La dernière partie que vous avez dit, je n'ai pas bien compris. J'ai dit, pour que vous receviez le Saint-Esprit qui vient tabernaquer en vous, il faut que vous soyez fils conformément à Galates chapitre 4, verset 6 et 7. Il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs, pour qu'il tabernacle dans notre cœur, par lequel nous crions Abba. D'accord? Et l'esprit ne vient pas pour nous rendre fils. Non, nous sommes fils pour que l'esprit vienne. Si on n'est pas fils de Dieu, fille de Dieu, Dieu, l'esprit ne vient pas là-dedans. Il vient dans les fils. Parce qu'on est, on est les fils de la résurrection. J'espère que vous comprenez. Colossiens chapitre 1, verset 27. Colossiens 1, verset 27. Oui. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez effectivement que Christ ici doit être où? En nous. Donc quand Christ est en nous, vous êtes sûr à 100%, vous allez expérimenter la gloire. Et quelle est cette gloire? La gloire des fils. Là où on se réunit comme Éphésiens, comme Hébreux chapitre 2, comme Hébreux chapitre 12, verset 22 le dit, verset 18 à 22 le dit, que nous sommes approchés vers le fils de Dieu, le cœur des anges, cette Jérusalem nouvelle, l'esprit des justes parvenu à la perfection. À cet endroit-là, vous êtes arrivé à cet endroit. On dit donc que vous êtes scellés donc pour l'éternité. Vous êtes scellé pour la rédemption à cet instant. Lorsque vous avez cette partie-ci, quand Colossiens chapitre 1, verset 27 est accompli dans votre vie. Maintenant, Romains chapitre 8, verset 9 et 10. On lit vraiment doucement là-bas. Romains chapitre 8, verset 9 et 10. On lit vraiment doucement. C'est vrai que c'est souvent choquant, mais c'est quand même la vérité. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Stoppons d'abord. Donc, la condition de vivre selon l'esprit, c'est qu'il fasse comment? Il faut que l'esprit de Dieu habite en nous. Qu'il soit où? En nous. Il faut que l'esprit habite en nous. Voilà. Quand l'esprit habite en nous, donc, il nous conduit dans toute la vérité. Parce que la voie de marcher avec le Seigneur, c'est l'esprit habitant en nous. C'est-à-dire que nous marchons selon l'esprit. Galates chapitre 5 dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, sont contraires afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Donc de la même façon que nous avons dans notre membre le péché qui nous pousse à marcher selon ces œuvres-là, de la même façon l'esprit doit devoir demeurer pour annihiler les effets de l'esprit, quoi, de péché. Donc la lutte contre la chair est totalement perdue si l'esprit n'est pas là à l'intérieur. Donc il n'y a qu'une seule façon d'annuler les œuvres de la chair, c'est par l'esprit. Amen. Et l'esprit doit habiter avec la chair. Si ça n'habite pas, vous allez jeûner. Vous taire un instant par rapport au péché et lorsque vous allez manger, la chair va revenir davantage. Parce qu'en réalité, c'est l'effet de l'esprit qui annule les œuvres de la chair et non vous-même et non pas votre propre œuvre. Vous voyez là où ça se trouve. Donc Dieu a fait de telle enseigne que personne ne puisse imiter la vie chrétienne. Personne ne peut imiter la vie chrétienne. On peut imiter la religion, faire les ascètes, faire toutes ces choses, mais pour ce qui est de la vie, on ne peut pas imiter cela. C'est la seule chose que Satan ne peut pas imiter. Voilà. Maintenant, continuons. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, il dit, si vous vivez selon l'esprit, c'est à condition que la chair, l'esprit habite en vous. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Continuons, mon frère Eden. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous avez entendu ça? Soulignez. Oui, et si Christ... Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez effectivement que quand l'esprit habite à l'intérieur là-bas, le corps du péché meurt directement. Donc, ça dit que c'est pour ça que vous pouvez entendre l'apôtre Paul dire donc que toutes ces choses qu'il regardait comme des gains, maintenant, c'est une perte pour lui. Et dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit que s'il vit maintenant, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Vous voyez, il vit dans la foi au Fils de Dieu qui l'a aimé et qui s'est lui-même livré pour lui. Et par conséquent, je peux seulement dire, c'est terrible maintenant ce style de vie que nous vivons maintenant en essayant d'imiter la vie de l'Esprit. Alors, Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est le standard des chrétiens qui sont en ligne pour l'enlèvement. Vous comprenez donc qu'on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit habitant en nous. Donc, vous voyez donc que les chrétiens peuvent manifester certains dons par l'effet du Saint-Esprit du revêtement. Pas du fait du tabernacle. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Des questions? La question encore. Le frère Olivier, ça va? Bon, frère. C'est un peu fou encore, frère. Non, ça veut dire qu'on peut avoir quelqu'un. Attendons, le frère Olivier parle. Frère Olivier recommence encore. Tu dis quoi? Ça veut dire on peut avoir quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, mais qui manifeste les dons spirituels. Alors qu'on sait que c'est par le baptême de cet esprit que les dons spirituels peuvent être manifestés. Non. Là, j'arrive pas. Non. Regardons par exemple dans le livre d'Éphésiens au chapitre. Regardons très attentivement. Il faut faire attention là. C'est que tu cites dans le livre d'Éphésiens, tout à l'heure, tu as cité Joël chapitre 2. Et Joël chapitre 2 est reporté dans le livre de Actes apôtres chapitre 2. Il a dit, je verserai mon esprit sur toutes chez vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes d'accord? Oui. Maintenant, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2 que lorsque le don du Saint-Esprit est donné aux gens, il octroie les différents dons. Tu vois effectivement, rentrons encore dans le livre de Luc. Oui. On va prendre après là. Luc chapitre 2. Ou bien prenons Luc au chapitre 1 à partir du verset 67. Oui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Arrêtons là-bas, Arrêtons là-bas la parole de prophétie. Qu'est-ce qu'on dit de Zacharie? Oui, et il a fait quoi? Il a prophétisé. Est-ce qu'il avait le don spirituel des prophéties? Non, il était juste rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il avait donc le baptême du Saint-Esprit? Non. Donc vous voyez que par l'action de l'Esprit sur quelqu'un, on peut prophétiser. Mais pour ce qui est du don spirituel, c'est quelque chose qui est permanent. Tu vois ça, frère? Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez saisi. Dans Joël chapitre 2, voici ce qu'il est dit. Dans Joël chapitre 2. Au dernier jour, je verserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. Donc, vous voyez effectivement, les songes, les visions et les prophéties ne sont pas des dons spirituels à proprement dit du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, à un moment donné peut prophétiser. En plus de ça, les gens ont même des visions et des sons sans être baptisés du Saint-Esprit. Pas vrai, frère? Oui. Donc, nous voyons un cas ici. Et on va voir également le cas d'Elisabeth. Lorsque Marie va la saluer, elle va être remplie du Saint-Esprit. Elle va commencer à prophétiser aussi, n'est-ce pas? Mais la Bible déclare pour le don spirituel que c'est donné pour l'utilité commune, pour l'édification. Or, l'église n'est pas édifiée en un seul coup, en une seule séance de travail. L'église est utilisée, est édifiée au fur et à mesure lorsqu'on se rassemble. Parce qu'on se rassemble pour s'édifier. Donc, les dons spirituels sont permanents pour la personne qui est baptisée dans le Saint-Esprit. Parce que c'est dans le don spirituel, dans le Saint-Esprit, dans le baptême du Saint-Esprit, qu'on octroie le don. On se comprend, frère? Voilà. Donc vous ne confondez pas la capacité que donne le Saint-Esprit momentanément pour faire quelque chose qui est à la ressemblance et momentanée par rapport aux dons spirituels qui sont permanents dans la vie du croyant. Amen. Amen. Donc quelqu'un qui a une vision une fois comme ça parce qu'il a eu, le Saint-Esprit est venu sur lui, il a une vision, n'est pas comme un prophète qui a constamment les visions. Voilà la différence, n'est-ce pas? Amen. Frère Olivier, ça va? Oui, ça va. Ça va, ça va. Que le Seigneur te bénisse. Oui, bah. Allons du côté du Amen. Frère Serge, maintenant, ça va de l'autre côté là-bas, frère Espérance, c'est bon? Oui, ça va. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire dans la sainteté, nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez donc que quand le réseau est bon comme ça et quand il n'y a pas de sifflotement, on travaille bien, non? Amen. Prenons encore quelques questions, donc maintenant, si c'est pas passé, d'autres personnes sont de m'attendre. Il y a le groupe de l'Allemagne qui m'attend maintenant. Bon. Oui, il y a plus de questions, frère Junior. Oui. Mais la seule chose, je vais sur une question pour toi. Concernant pour le groupe que tu as donné pour la Côte d'Ivoire, vraiment, on tient à dire merci à Seigneur parce que c'est pas à toi. Oui. Et cela permet, comme l'a dit, porter du fruit. Et ça montre vraiment que vraiment ton passage est vraiment ici en Côte d'Ivoire. Et vraiment pour le groupe, vraiment, ça nous permet ici, à la Côte d'Ivoire, on a accueilli. Dans la semaine, on a pris comme ça 3 jours vraiment pour se réunir vraiment sur ce groupe. Oui. Donc vraiment, on demande le Seigneur pour qu'il t'accorde la grâce pour que cela soit. Et une chose encore, la Côte d'Ivoire, les chrétiens sont encore des enfants. Donc au fur et à mesure, tu peux jeter un coup d'œil pour l'aide, pour la marche, pour l'agrandissement, même pour l'œuvre. Merci. Vraiment, une chose que je veux te souligner, c'est là. Que le nom du Seigneur soit vraiment glorifié, vraiment. Souvenez-vous que j'ai dit en Côte d'Ivoire, quand j'étais en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays aussi. Amen. Et donc je reviens encore là-bas, je reviendrai. Amen. D'accord? Je reviendrai. Attends, arrête. Oui. Donc que le Seigneur vous bénisse, que son nom soit glorifié. Mais vous travaillez dans la sainteté, travaillez dans la prière, travaillez devant le Seigneur. Souvenez-vous. Demandez soutien au Seigneur de vous nettoyer de toute chose qui n'est pas de lui et de vous utiliser à sa guise. Demandez cela au Seigneur. Amen. Amen. Des questions? Oui, il y a une petite préoccupation. Oui. Oui. Frère Junior, bonjour. Bonjour, mon cher. Moi, c'est à nous. Oui. Et voilà, le diable est le prince de la terre, mais qui est le roi alors? Pardon? Le diable est le prince de la terre. Oui. Maintenant, qui est le roi? Qui est son roi? Ça, c'est une bonne question. Ouvrons Actes des Apôtres. Ouvrons Actes des Apôtres. le frère s'est positionné là comme ça, il dit que le diable est le prince de la terre. Qui est son roi? Acte chapitre 3. Chapitre combien? Chapitre 3. Chapitre 3. Oui. C'est ça, c'est le diable de prince. Le verset. Voilà, le verset 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Acte 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, ah, Israélite, pourquoi vous vous étonnez de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous puissions faire marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Pardon? On a fait mourir qui? Vous avez fait mourir le prince de la vie. Non, voilà. Oui. De mort. Oui. Le roi de la vie, c'est qui, mon frère? Le roi de la vie. Le roi de la vie, c'est Dieu. Donc, il y a le roi de la vie seul et le prince de la vie seul. Non, non, non, non. Puisque s'il y a le roi, c'est qu'il y a un prince. Non, non, non. Ça, c'est la logique. La logique. Le roi, un prince. Voilà, la logique vous dresse là, mais je pose la question. Donc, on dit ici que Jésus est le prince de vie. On l'appelle encore même le prince de paix. Comme il est le prince de vie, donc, est-ce qu'il y a le roi de vie quelque part? Non. Ou mieux encore, non. Dans le livre de Daniel chapitre 2, la Bible déclare qu'il y a une pierre qui est sortie sans le secours de boum. Un homme a frappé la statue que Nebuchadnezzar avait vue, n'est-ce pas? Et cette montagne-là a grandi jusqu'à ce que ça a pris toute la terre. Et on a signifié que c'est un règne qui va sortir sans le secours d'un homme et va abattre tout le royaume de la terre. Et ce règne n'a pas de fin, n'est-ce pas? Le règne de Christ n'a pas de fin, n'est-ce pas, mon cher? Non, ouais, c'est ça. Bon, quand il est roi, donc Dieu, lui, il est quoi? Donc c'est le même. Ah, donc c'est le même alors. Donc ça veut dire que Dieu est roi, Jésus est roi, le Fils est roi. Oui, ben là, c'est la bonne Abelha qui nous fatigue un peu. La bonne Abelha. Non. Psaume 45, prenons le psaume 45. Quelque chose là. Le psaume chapitre 45. Merci. 45, verset 2 et 3. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Oui. C'est pourquoi je t'appelle toujours. Oui. Verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un cercle d'équité. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. Oui. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a faim. Oui, donc Dieu a un Dieu. C'est ce qui est repris dans Hébreux chapitre 1, verset 8, n'est-ce pas, mon cher? Donc, si vous lisez la Bible, vous allez voir effectivement, la Bible déclare que le Lucifer, Satan, est le prince de ce monde. Le prince, ça veut dire le chef là-bas. D'accord? C'est le chef de ce monde-ci. Donc c'est le chef, c'est le principal de ce monde-ci. Ce n'est pas en termes du roi, parce qu'il n'a pas de royaume en réalité. D'accord, mon cher frère? Voilà. Donc parce que dans le cadre humain, on s'entend à ce que si par exemple il y a le roi, par exemple, de Bassan, qui est le roi et son fils soit le prince héritier. D'accord? Donc dans la terminologie humaine, on vous dresse là. Mais Christ, son royaume n'a pas de fin. Donc il n'a pas besoin de prince. Et la Bible déclare que le royaume de Christ est de Dieu. Or, il n'y a pas deux rois dans un royaume. Pour qu'un roi puisse remplacer un roi, il faut que l'autre roi meure. Dieu ne peut pas mourir. Donc Jésus-Christ est appelé prince de vie, prince de paix, Dieu éternel, roi des rois. Comment quelqu'un peut en même temps être prince et en même temps roi? Donc le prince de ce monde, c'est tout simplement pour dire que c'est le chef de ce monde. D'accord? Parce qu'il gouverne le monde. Le prince, c'est un titre de la principauté, des royaumes de domination. Parce que Jésus lui-même est appelé prince. D'accord, mon cher frère? Des questions? Moi, si moi, je commence à vous poser vous-même aussi des questions alors. Je vous pose alors les questions aussi. posez des questions. À l'heure où nous parlons, Satan se trouve où? Dans le ciel. Au deuxième ciel. Son quartier général se trouve où? Au deuxième ciel. Ouais. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Dans le ciel. Son quartier général. C'est tout. Ah, il y a le prince de l'air. Donc il passe le temps à voyager dans l'air quoi. Ah. C'est pas quoi il passe son temps à voyager dans l'air. Mais c'est pas belle. Il doit avoir un niveau dans les dans le céleste où il siège avec ses adeptes. Oui, mais quand voilà. Tout à l'heure vous avez lu Luc chapitre 4 là, lorsqu'il était sur la terre, lorsque Jésus était sur la terre, ils sont rencontrés où? Sur la terre. Donc quand Jésus est parti comme ça, il est parti, il n'est plus jamais venu sur la terre, il ne vient pas sur la terre. C'est ça? Si il vient sur la terre, frère. Il vient faire quoi, mes frères? Il voit comme il est dit dans le livre de Job, il se promène sur la terre. Donc, comme il est écrit dans le livre de Job. Donc peut-être un jour il est entré même dans le palais, il voit personne là, même ceux qui étaient là. Si, c'est possible. C'est possible. Oui, posez vos questions. Il ne veut pas vous déranger. Posez votre question. Il ne faut pas qu'on parle trop de celui-là même. Junior. Oui. Bon, une fois dans ma méditation, au passage de Matthieu chapitre 2 là. Oui. Et puis Luc chapitre 2. Oui. Matthieu chapitre 2, Luc chapitre 2. Oui. Concernant la naissance du Christ. Oui. Il y a une chose. Quelque chose. La connexion c'est un peu bugué, on n'a pas bien suivi mon frère. Matthieu chapitre 2, Luc chapitre 2, oui, qu'il y a. Voilà, donc le livre de Matthieu chapitre 2, oui. On nous fait comprendre que Jésus est né à Bethléem. Oui. Et après la visitation des mages, oui. Et ils ont averti à son père, oui. Et ils ont averti de prendre l'enfant et d'aller se réfugier en Égypte. Oui. Et c'est du retour de l'Égypte maintenant qu'on dit que. Et Hérode est mort. Oui. Puisque c'est à mort. Et le coup, Joseph va revenir avec l'enfant à Bethléem. Oui. C'est-à-dire en Israël. Oui. Maintenant, on dit que le fils de Hérode a régné à la place de son père. Oui. Maintenant, Joseph, ayant peur de l'héritier de Hérode, oui. Va prendre l'enfant à Nazareth. Oui. Afin que ça accomplisse la parole du prophète, on dit qu'il sera appelé le Nazaréen. Oui. Mais quand dans le Luc chapitre 2, on dit que Joseph et sa femme étaient déjà des résidents de Nazareth avant même la naissance de Jésus-Christ. C'est là que j'arrive pas à comprendre. Bon, la Bible déclare qu'il y avait un édit qui avait dit qu'on ne peut pas faire le recensement d'abord. C'est ce que le livre de Luc nous fait état. C'est à l'époque du recensement parce que César avait demandé que toute personne va faire le recensement là où il est. Et donc Joseph a amené sa fiancée, son épouse qui était enceinte à ce moment-là. Pendant le moment de recensement qui se trouvait là-bas, dans cette ville là-bas, il arrivait donc que Jésus est né là-bas, n'est-ce pas? Mais quand Jésus est né maintenant, il faut prendre les choses toujours en parallèle. Il faut prendre la naissance du moment où il allait pour le recensement, et le moment où les mages sont arrivés, et le moment où l'édit du roi est sorti pour dire aller rechercher les enfants pour qu'on puisse naître, pour qu'ils puissent surveiller. Maintenant, la Bible déclare que quand il est retourné et ayant entendu que son fils régnait, il est allé à Nazareth pour que ça se complice, que le prophète avait dit il sera appelé Nazaréen. Ce n'est pas l'enfant qui est appelé Nazaréen, c'est sa vie de Nazaréen. D'accord, mon cher frère? Il était un habitant de Nazaréen. Or, à sa naissance, il n'est pas un habitant de Nazaréen. Il est né là-bas de passage. Mais il est revenu maintenant demeurer là-bas. C'est deux choses différentes. je vois quoi il est confondu. Voilà. Donc il n'est pas parce que Nazareth, parce qu'il est de naissance, c'est parce qu'il est venu prendre sa demeure là-bas. D'accord. Mais pourquoi c'est à Bethléem qui devait naître? Parce que c'est la vie du roi. La vie du roi. La vie de David, la cité de David. Mais je crois peut-être que la cité de David, c'est plutôt Jérusalem. La Sion, c'est pas là-bas. Mais c'est à Bethléem que David est né. Oui, il est né là-bas, ça fait quoi? Et on dit Jésus-Christ est le fils de David. Donc il fallait qu'il naisse à Bethléem. Hein, Salomon, lui, il est né aussi à Bethléem. Non, frère. Mais c'est le type de Jésus qui dit que je suis ton père, tu seras mon fils, non? Alors, Bethléem, ça veut dire la maison du pain de Dieu, n'est-ce pas? Oui, frère. La maison frère. Du pain de Dieu. La maison qui produit le pain de Dieu. Bethléem. La maison qui produit le pain. Voici le pain qui est descendu du ciel. Donc, c'était normal qu'il naisse pas là-bas. Oui, pose les questions. Ça va maintenant avec le problème des Nazaréens, n'est-ce pas? Mais ça va, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, maintenant, la dernière, c'est au niveau de Exode chapitre 4, là. Oui, Exode chapitre 4, où on a attaqué Moïse pour le tuer. Voilà. Verset 24. Quelle est la question? Votre connexion est instable. Attends, ça se stabilise et puis tu reparles. Mais comment le frère Paul Espérant est de l'autre côté comme ça, fatigué? Bientôt sera 18h. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que c'est le fait qu'il faut couper le... Frère Olivier, vas-y maintenant, on t'entend maintenant, je crois bien que ça va aller. Voilà, frère, donc je voulais savoir, est-ce que c'est le fait que Séphora a coupé le profus de l'enfant que Moïse l'a renvoyé, Moïse l'a répudié, parce qu'on dit dans le livre d'Exode, je ne crois pas qu'elle a été renvoyée par son mari. Et dans Exode chapitre 18, on voit qu'elle est revenue, son papa l'a récupérée pour la ramener sur son mari qui était chez Moïse. Oui, donc, c'est pour savoir si c'est là qu'elle a posé là, qui a fait que Moïse l'a renvoyé chez son père. Oui, mais l'acte de Séphora a fait le temps, c'est que Dieu ne tue pas Moïse, n'est-ce pas? Oui, frère, mais pourquoi elle était renvoyée? Donc quand quelqu'un te tue, quand quelqu'un te sauve, toi tu chasses seulement la personne ou bien tu la protèges? On protège la personne. Séphora est de quelle nationalité? Elle est madianite. Elle est madianite. Et vous pensez que les Juifs devaient recevoir Moïse avec un manzanite qui devait venir leur dire que Dieu nous a demandé de sortir avec la perversion de la race? Ils devaient comprendre? Non. Donc ce n'est pas à cause du prépuce qu'il s'est passé. Parce que si Moïse s'est présenté, Dieu n'a pas envoyé en mission avec cela. Dieu lui a associé les personnes avec qui il devait aller en mission. Et donc il a renvoyé pour qu'il rentre chez eux, rester le temps que la mission puisse s'accomplir. D'accord? S'il est allé avec une étrangère, les Juifs savent effectivement qu'il ne doit pas se mélanger avec les gens des nations. Regarde depuis le livre de Genèse, au chapitre 31 et 32, où Tamar est allé, Dina est allée et puis Aman l'a violée. Vous vous souvenez de cela? Ils ont dit prenez les fils et donnez-nous nos filles. Ils savaient effectivement depuis la Genèse que la race sainte devait être maintenue. Donc là, Moïse, puisque Moïse est dans la prophétie, lui peut comprendre parce que Christ doit prendre une épouse chez les païens. Le législateur doit prendre une épouse chez les païens. Et donc là, il ne va pas avec eux parce qu'ils ne comprendront pas ce qu'il en est de faire. Donc, ce frère n'a pas été mis à l'écart à cause du fait qu'il a coupé le propice du sang. D'accord, mon frère? Amen. Mm-hmm. C'est compris, frère. Voilà. Donc, vous voyez, effectivement, dans le Nouveau Testament, vous voyez, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, chapitre 1, verset 9, la Bible déclare que nous participons à l'aspersion du sang. Effectivement, et c'est le sang du législateur. Voilà. Allons-y. Des questions? Question. Côte d'Ivoire dans la sainteté, que du Seigneur vous bénisse. S'il n'y a pas de questions, je vais prier maintenant. Comme ça, on va se séparer et on va se donner rendez-vous à dimanche. Souvenez-vous, dimanche, on va prier pour la soeur qui est de l'autre côté là-bas. Je tenais à vous remercier, le frère Eden, le frère Yao, vu tout ce qui travaillait de fond en comble avec les frères là-bas pour les maintenir dans la sainte doctrine. J'aimerais également vous remercier pour le travail que vous faites pour que la connexion se passe bien, pour que nous puissions communier comme ça. Souvenons-nous. Nous avons un seul Rédempteur, un seul Seigneur Jésus-Christ, une seule foi, une seule parole. N'ajoutez rien à sa parole, n'en retranchez rien. Dites de la manière que c'est dit. Ne prenez pas et ne mélangez pas des choses qui ne viennent pas de Dieu, des imaginations des hommes. Restez dans la parole et le Seigneur sera avec vous. Il va veiller sur vous parce que vous veillez à demeurer dans sa parole. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Faites tout et tout donc seulement pour être en accord avec la parole et que la parole soit en accord avec vous. Et donc, je serai toujours avec vous et toujours là chaque fois autant que cela dépend de moi pour répondre aux besoins que le Seigneur va mettre à ma disposition par rapport à vous. Je vous aime tellement et vous, votre pays est mon pays. Et j'aimerais recevoir certains d'entre vous ici qui viendraient au Cameroun. La flore est levée, pas vrai? Oui, amen. Je prie vivement que les accords se passent entre nos deux pays pour faciliter le voyage avec les visas. Pour que ça soit vraiment facile. Et ça arrive. Et cela arrive. Donc, le frère Yao voulait parler quelque chose. Je voulais dire quelque chose. Oui, en tout cas, c'est une action de grâce et de la Seigneur. Mm. Parce que ça nous plaît comme ça. En tout cas, à cause de moi, on te considère comme un grand frère dans la foi. Mm. Donc, vraiment, c'est un frère aussi pour toi. Et c'est pourquoi il te soumet encore mes frères qui sont ici. Nous sommes encore des enfants dans la foi. Donc, par ton exemple, vraiment, c'est tout ce que je vais demander, que tu nous soutiens comme ça. Vraiment, en présentation. Mm. Comme la parole nous dit que on doit avoir tous les regards fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, pas sur un homme. Mm. Voilà, donc, vraiment, on est des enfants. Mm. Comment on a exposé, comment les gens s'est passé en Côte d'Ivoire. En tout cas, ils m'ont exposé ça. Oui. Ils m'ont dit qu'il y a des gens qui c'est normal parce que on a déjà donné l'exemple pour un bébé quand il naît. Il y a étape par étape. Donc, c'est normal comme ça. Comme nous sommes encore des enfants dans la foi. Oui. C'est normal comme ça. Mais avec le temps, oui. Il m'a tout étape. Donc, vraiment, ceux-là, ils m'ont exposé ça. Le Saint-Esprit, vraiment, il a joué ça pour nous. Oh. Donc, vraiment, le jeune, vraiment, passé vraiment en ordre en Côte d'Ivoire ici. Et vraiment, on est fiers aussi. Nous t'aimons aussi en Côte d'Ivoire ici. Et la prière aussi, que nous donne toute la grâce. Et que nous puissions aussi profiter, pour que nous puissions aussi profiter. Et en Côte d'Ivoire aussi, nous avons aussi les choses que nous avons promis ici. Et pour que toi aussi puisses profiter aussi de ici. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vraiment vous fortifie. D'accord? Amen. Le frère demandait que le Seigneur te fortifie également pour tout ce que tu fais, d'accord? Amen. Mmh, mmh. Donc, je retiens que nous sommes ensemble. Dans le même combat et que le Seigneur est notre modèle et nous suivons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Que personne ne laisse qu'il y ait des troubles au milieu de vous. Et s'il y a n'importe quelle situation, souvenez-vous de ceci, ne restez pas à l'écart et de parler que tel a fait ceci, tel a fait ceci. S'il y a n'importe quelle chose, ramenez les gens toujours dans la paix. La Bible déclare que heureux ceux qui procurent la paix parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. D'accord? Donc s'il y a n'importe quelle situation, ne permettez pas que ça perdure au milieu de vous. Résolvez cela dans le calme, dans la droiture et dans la justice. Résolvez les situations parce que Satan va susciter tout juste là au milieu de vous pour créer des problèmes. Mais la Bible déclare qu'il faut qu'il y ait des hommes sages au milieu de vous qui peuvent prendre des décisions pour trancher entre les frères. Ne permettez pas donc qu'il y ait ces anomalies au milieu de vous. Par-dessus toute chose, comme mon grand frère l'a dit, revêtez-vous d'entrain de miséricorde. Si n'importe quoi arrive au milieu de vous, gardez-vous dans le cœur que d'abord le premier principe c'est que vous devez pardonner et vous devez vous aimer. Vous êtes obligé de pardonner. Obligé de vous aimer les uns les autres et qu'il ne doit pas avoir de division. Soyez unis dans le même sentiment, dans le même esprit, d'accord, frère? Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais je peux maintenant prier pour vous? Oui, c'est bon, frère. On est disponible. Mmh. Ah, tendre Père, tu as dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où tu déverses ton huile. Et s'ils sont unis ensemble, Père de gloire, dans un même sentiment, dans un même esprit, tu déverseras toujours ton huile comme tu as déversé durant ce moment de ces périodes qu'ils ont passé devant de toi. Je te remercie, Père de gloire, pour tout ce que tu as fait pour eux et pour toutes ces choses-là que tu as ôté de leur vie, ces lourdeurs-là que tu as ôté de leur cœur et ces blocages, ces portes, ces verrous que tu as brisés dans la vie de ceux-là qui sont dans le jeûne et ceux qui sont en train de continuer encore le jeûne. Merci, Père de gloire, parce que la clairière, leur vie spirituelle et leur chemin est débroussé durant ce moment. Merci pour les combats et pour les victoires que tu accordes pour leur propre vie. Je te recommande non seulement ce pays, Père, non seulement les autorités de la Côte d'Ivoire, mais aussi ses frères et tous tes enfants qui sont enfouis dans tous les systèmes et qui te cherchent de tout leur cœur. Je te les recommande entre tes mains. Je recommande ceux-ci, Père de gloire, qui sont comme des prémices, mais Père de gloire, que tu veux utiliser. Je te recommande ces jeunes, la paix, que toi-même tu les équipes dans ton esprit et que tu leur donnes, Père de gloire, d'être puissamment fortifié selon l'homme intérieur. Donne-leur de comprendre, ô Dieu de gloire, l'importance, Père de gloire, et l'appel que tu as adressé pour eux en cette saison-ci, pour qu'ils soient, ô Dieu de gloire, des feux d'artifice dans ce siècle, ô Dieu de gloire, au milieu des perversités dans leur pays. Je prie, Père, que tu les utilises puissamment, que tu les utilises chacun dans leur domaine, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire, l'honneur et la puissance soient à jamais pour toi, au siècle des siècles, et que le peuple de la Côte d'Ivoire dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.